sa terrasse, amasse et lance des allumettes qui brûlent la vie. Des allumettes qui brûlent la vie. On lui avait promis, on lui avait dit oui. Seulement les fumées gèlent. On lui avait promis un souffle d'innocence. Tout sauf cette odeur de souffrance. Les quartiers ouest sont l'homme nu démuni qui fait